بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc بإذن الله nous continuons في كتاب فضل رب البرية بشرح برر البهية للإمام شوكاني رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. دعونا نصل toujours dans le chapitre de la zakat. Et nous sommes entrés précisément dans Babu Zakat al-Nabat, la Zakat des plantes. Ici, lorsqu'on parle de plantes, on parle des graines qu'on récolte dans ces plantes. Alors, lorsqu'on parle de Nabat aussi, ça prend Asthimar, les fruits. Donc tout cela rentre dans Babu Zakat al-Nabat. Donc dans le cours précédent, nous avons vu la Zakat Ima Saqat al-Ma, c'est que l'eau de la pluie arrosée, et puis ça a été aussi arrosé par l'eau de puits ou bien l'eau des sources. Donc nous n'allons pas revenir dessus. Nous nous sommes arrêtés sur la parole du Mu'allif, celui qui veut avoir plus de compréhension sur ce que nous avons vu les semaines passées, dans le dernier cours, qui revient au cours précédent. Alors, l'auteur du livre, l'imam Shawkani, il dit « Wa nisabuha khamsatu awsuqin ». Alors, le nisab sur la zakat des plantes. Alors, ici, les plantes, c'est que le hadith a montré qu'il y a la zakat dessus. Il y a ce qu'on appelle al-himta, qui est le blé, ainsi que al-sha'ir, le mil, wa tamr, la date, wa zabib. Zabib, ce sont les raisins secs. Donc, il y a la zakat si c'est quatre choses. Voyez. Donc, quel est le nisab? À quel moment, lorsque tu récoltes ces plantes, c'est-à-dire ces graines, à quel moment tu dois donner un zakat? Par exemple, celui qui plante le blé ou bien le mil. Alors, c'est à partir de quelle quantité, lorsqu'il récolte, il doit donner la zakat. C'est ce que nous allons voir. Alors, l'auteur du livre dit, « Wa nisabuha, son nisab, c'est khamsatu awsuqi. » Cinq awsuqi. À cause de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqa. » Il dit, ce qui est en dessous de 5 awsuq, il n'y a pas de zakat dessus. Aïlaysa fi aqal min khamsati awsuq zakat. Voyez, awsuq, qu'est-ce que c'est que le awsuq? C'est jamu wasqi. Wal wasqu hamlul ba'ir. C'est ce que peut porter un chameau. C'est-à-dire, le chargement d'un chameau. Au cadre où, et son équivalence, c'est si tout n'a sa'an, c'est 60 sa'a, vérité fab, avec le consensus. Le sa'a, c'est arba'atu amdad, c'est 4 mouds. Le mouds, c'est jafna, c'est-à-dire ce qu'on prend avec les deux mains. Les deux mains collées. Alors lorsque tu prends 4 fois, c'est ce qui donne le mout et le soa à fois. 4 mouts donnent un soa. Donc maintenant le soa jusqu'à 60 soa. Celui qui a récolté et que cela atteint jusqu'à 60 soa, alors il a atteint les naissants. Il doit donner la zakat. C'est compris? Alors ici, 60 soa multiplié par, enfin j'ai dit 60 soa pour la zakat, non c'est fois 5. Voyez, lorsqu'il atteint 60 soa fois 5, parce qu'un seul wasp fait le hamlul ba'ir. Hamlul ba'ir, c'est 60 soa. Ça va le chargement d'un chameau, ça donne 60 soa. Et ces 60 soa doivent être multipliés par 5. C'est compris? C'est ce qui fait le nisab. C'est-à-dire celui qui a 60 soa multiplié par 4, il n'a pas la zakat. 4 et demi, il n'a pas la zakat. Jusqu'à khamsatu awsu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laysa fi ma duna khamsati awsu. Sadaqa. Il n'y a pas les zakat, c'est cela. Voyez. Donc si on calcule soa, 60 soa multiplié par 5, ça va donner 300 soa. Et ces 300 soa, voyez tout ça, oui, takriban, ça équivaut takriban à 612 kilo min al burri al jayyid. Ça va? Du bur al jayyid. Donc c'est ce qui est le nisab de al hubub wa simar. Vous comprenez? Le nisab de al hubub wa simar. Le burri ici, ça désigne le blé aussi. Voyez? Le blé, ça désigne le blé. Le blé peut être dit par trois manières. Al-burru, wal-qamhu, wa al-hinta. Al-hinta. Voyez, c'est la même chose. Burru, qamh, et puis al-hinta. Donc, celui qui a pu mesurer jusqu'à 612 kilo du blé, du bon blé, al-burru jayy, alors si ça équivaut à ça, alors il doit donner la zakat. C'est ce qu'est le nisab. C'est compris? Hada wa nisab al-hubub wa simar. C'est compris? Qala al-mu'allif rahimahullah, il dit wala shay'a fima ada dalik. En dehors de ce que nous avons cité comme les graines, c'est-à-dire, on a dit, awalan, le blé, le mil, la date et les raisins secs. En dehors de cela, il n'y a pas de zakat. Kal khadarat, tel que les légumes, wa ghayriha, et autres que cela. C'est compris? Celui, par exemple, qui plante les tomates, et qui récolte, il n'y a pas de zakat. Ça va? Il n'y a pas de zakat. Et nous allons voir les khilaf qu'il y a sur cette mas'ala. Yuhassir al-mu'allif, rahimahullah. L'auteur du livre, Karalifas Miséricorde, résume zakat al-nabatat fil asnaf al khams. Il résume sur quatre types. Al-zarratu, qui est le maïs. Wal-qamh, qui est le blé. Wal-sha'ir, le mil. Wal-tamr, la date. Wal-zabib, le raisin. Donc ici, il résume à ces cinq-là. Celui qui plante autre, par exemple celui qui plante autre chose, alors il ne rentre pas dedans. Il ne rentre pas dans la zakat. Non. Du riz. Le riz n'a pas été mentionné. Voyez, celui qui plante le riz, il n'y a pas de zakat. Parce que ça n'a pas été mentionné. Voyez, ici, on va voir ici, Inch'Allah. L'auteur du livre s'est basé, rahimahullah, à la riwayat al-za'ida, à l'al-hadith al-ladhi taqaddam. Il s'est basé sur une riwayat qui s'ajoute au hadith qui a précédé pour venir avec la zirra. C'est compris? Il s'est basé sur cela pour envoyer le maïs. Walakinaha riwayatul munkara la tasih. Mais c'est une riwayat qui est munkar. Ça va? Ce n'est pas authentique. Ça va? Une riwaya qui est munkar. Le munkar ici, c'est une riwaya qui est rejetée. Ça va? Qui n'est pas acceptée, qui est refusée. Ça prend tout ce sens. Et il a ajouté maintenant azarra dessus. Azarra qui est le maïs. Mais cette riwaya wa sawab adam udikriha. Ce qui est authentique, c'est que ça n'a pas été mentionné à Zarra. Wadil asnaf al arba ghayr Zarra. Et ces quatre types, sans le maïs, hi allati hasala fiha al ijma. C'est au sujet duquel il y a eu consensus alayha wa warada fiha al nas. Et les tests sont venus sur cela. Ce qui veut dire que le maïs n'en fait pas parti, fima yakunu sahihan. Mais cette riwaya, dont se base dessus, c'est quelle riwaya? C'est l'hadith de qui? C'est l'hadith qui vient de Mu'az. Rasul sallallahu alayhi wa sallam hamalahu, l'a chargé d'aller prendre la zakat. L'hadith qui est connu, ça vient dans plusieurs riwaya. Lama ba'asa Mu'azan ila al-Yaman. L'hadith vient dans plusieurs riwaya. Voyez? Mais ici, le Moussanif, rahimahullah, bana ala tasayhi riwaya alati fiha ziyadat dhikri dharra. Alors, il s'est basé sur ceux qui ont rendu authentique cette riwaya, cette version, dans laquelle est mentionné le maïs. Donc, il a résumé à cinq types. Ça va? Wa bi hasbi zakat fi hadhihi al-asnaf al-arba. Maintenant, si nous résumons la zakat, si c'est quatre types. Qala jama'a min al-jama' min al-ulama. Beaucoup de savants ont dit cela. Beaucoup de savants et des salafs même ont dit que ce sont ces quatre seulement. Parmi ces savants, il y a Muhammad ibn Sirin. Il y a Ibn Abi Layla. Il y a Hassan ibn Saleh. Il y a Hassan al-Basri. Wa-Sawri. Sha'bi. Et d'autres. Parmi les savants. Qalu, ils disent que inna zakat fi nabatat, la zakat dans les plantes, la tajibu illa fi hadhihi al-asnaf al-arba. Ce n'est obligatoire que dans ces quatre types de grains. Wa huwa sahih. Et c'est ce qui est authentique. Wa bihi na'khudh, et nous prenons cette parole. Ça, c'est ce qu'a dit le Cheikh Ali Ramli, hafizahullah. Ensuite, il dit ici, il y a un hadith de Mu'az al-Mutaqaddim. Car le hadith de Mu'az qui a précédé, yadullu ala dalik, montre cela. Fa innahu lamma dhahaba ila al-Yaman, lorsqu'il allait au Yémen, lam ya'khudh zakat, il n'a pris la zakat illa min hadhihi al-arba. Quel est ce quatre? Fa tukhassas umum al-adilla bi. Alors on spécifie la généralité des textes sur le hadith de Mu'az ibn Jabal. Et ce que Mu'az ibn Jabal a fait. Voyez. Mais certains savants ont fait l'analogie à la halil arba. Si c'est quatre types, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? D'autres, ils ont pesé d'autres si c'est quatre. En faisant rentrer par exemple le maïs, le riz et tout ce qu'on plante. Ça va? Tout ce qu'on plante, ils ont mis dedans. Et ils ont dit, Rubama, Rubama, Rubama. Peut-être que lorsque Mu'az est allé, il n'y avait pas le riz, il n'y avait pas telle chose. Mais le professeur m'a demandé de prendre la zakat sur Masalan al-Qamah, Masalan al-Sha'ir. Alors que tous ceux-là, ils sont min qabil al. Ils ressemblent à l'autre. Dans le sens que c'est ce qu'on plante aussi. Et on récolte Yawma Hasad. Alors que Allah dit Wa tu haqqahu Yawma Hasad. Donnez son droit le jour où vous récoltez. Donc, ils se sont basés sur cela et ils ont fait le qiyas. Faqala Kullu ma yuqtatu. Tout ce qu'on mange, on plante et ensuite, lorsqu'on enlève, on mange. Wa yudakharu. Et on garde Fafi Zaka. Il y a la zakat dessus. Voyez. Parce que ceux qui plantent, lorsqu'ils finissent de récolter, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils mangent et puis d'autres, ils gardent. Surtout dans les régions de savane ou bien des déserts, la pluie ne vient pas à tout moment. Il y a une seule saison de pluie, telle que, par exemple, au Burkina, au Mali, et puis les pays qui sont de la savane. La pluie, il y a un moment seulement pour la pluie. Donc lorsque la pluie, la saison pluvieuse arrive, les gens commencent à planter les mille, les sorgho et tout ce qui vient avec. Maintenant, lorsqu'ils récoltent maintenant, ils gardent pour pouvoir manger pendant tout le reste de l'année. Dans les villages, ceux qui ont fait les villages, ils connaissent cela. Voyez? Donc, ils disent que tout ce dont on plante et puis on garde pour manger, alors on va faire la zakat. Voilà le qiyas qu'ils ont donné. Voyez? Wa fi hadhihi al-mas'ala, mais sur ce sujet-là, khilafun kabir, il y a une grande divergence بين العلماء entre les savants. فمنهم من جعل الزكاة في الأصناف الأربعة بناء على حديث معاذ. D'autres ont résumé la zakat sur les quatre types seulement en se basant sur le hadith de Mu'az. Walbad et d'autres sahaha al hadith et ils ont rendu authentique le hadith dans lequel Azarra est venu, le maïs. Et ils ont ajouté le maïs sur les quatre autres. C'est compris? Walbad al-akhar, mais d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qasa alayha qayra. Ils ont fait l'analogie sur ces cinq-là d'autres plantes qu'on récolte, on mange et on garde. وَجَعَلُوا فِيهِ زَكَاةً. Ils ont mis la zakat dans ces choses-là. وَلَكِنَّهُ اِخْتَلَفُوا فِي الْإِلَّةِ. Mais ils sont divergés au sujet de la cause. Ça va? اِخْتَلَفُوا فِي هَذَا. وَالْمَذَاهِبُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَثِيرَةٌ. Alors, il y a plusieurs madhhabs dans cette masala. فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. Le madhhab de l'imam Abu Hanifa, يَخْتَلِفُ عَنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ. Il diverge du madhhab de l'imam Malik. Et le madhab de l'imam Malik diverge du madhab de l'imam Shafi'i. Wa madhab Shafi'i et le madhab de Shafi'i diverge du madhab de l'imam Ahmad. Wa hakala. Il se diverge. Amma bin nisbati les zaytoun. Quant aux zaytoun, zaytoun c'est quoi? C'est ce qu'on appelle olive. Les graines aussi, on mange aussi. Pour le plaisir. Donc, quand ils se sont divergés au sujet des zaytoun aussi. Ça va? Fa Shafi في أحد قولين الإمام الشافعي في l'une de ses paroles قال لا زكاة فيه. Il a dit qu'il n'a pas la zakat dessus. Fakila li annahu laysa qutan. Parce que l'imam Shafi dit que ce n'est pas une nourriture qu'on mange pour se rassasier. Ça va? Amma Malik. Quand l'imam Malik lui dit Fakala fi zakat, il dit zakat sur le zaitoun, l'olive, li annahu qut. Parce qu'on peut prendre cela comme nourriture. C'est-à-dire qu'on peut manger matin, midi, soir. Hein? Aïwa. Sorry. Fakila huma qal. Les deux ont dit ma yuktatu. C'est qu'on mange fi zakat. Il y a la zakat dessus. C'est-à-dire qu'on prend comme nourriture. Il y a la zakat dessus. Là, qu'il n'a pas ikhtalafu. Mais ils sont divergés. Ali zaytoun koun amla. Mais ils disent l'olive. Est-ce que c'est du kout ou bien c'est pas du kout? Vous comprenez? Je vais vous montrer les zaitoun. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Vous voyez? Vous connaissez ça? L'olive. Voilà. Donc, est-ce que ça, on peut donner aux gens à manger matin? Et puis, bon, souvent, le soir, on mange pour dormir. Hein? Donc, ils sont divergés au sujet de cela. Et, Wassohi, l'imam Cheikh Ali Rami dit, ce qui est authentique, anaoulé, c'est côté. Et c'est pas la nourriture qu'on mange. Yannahu la yuktafa bihi. Parce qu'on va pas se limiter à ça, pour que le corps soit rassasié, c'est-à-dire le corps soit bien dressé. On ne va pas manger zaitoun à tout moment. Mais le mil, ceux qui sont dans les villages, ils savent. Kabatoula, ils se tapent tout le temps. Kabatoula. Ok. Matin, midi, soir, ils mangent kabatoula. N'est-ce pas? Hein? Ça y est. Donc, il dit, « Li'annahu la yuktafa bi fi qamat al-jism. » وإنما هو إدام c'est-à-dire idam c'est qu'on savoure c'est seulement idam tu manges pour le plaisir hein وبناء عليه donc si on se base sur cela فلا زكاة فيه il n'y a pas de zakat sur cela حتى ما التعليل الذي ذكروا même avec la justification qu'ils ont mentionné il n'y a pas de zakat dessus c'est compris. Ensuite, maintenant, concernant les zakat des graines, wala yunzaru ila al-hululi fi zakat al-nabatat. On ne va pas regarder le hulul. Le hulul, c'est quoi? Hawlayn al-hawl. Le fait que l'année passe dessus, dans zakat al-nabat. C'est à quel moment on fait zakat al-nabat? Qui va le dire? Nam Abu Abdurrahman. Juste après la récolte. Est-ce que c'est même après la récolte? C'est lorsque le fruit commence à montrer qu'il est déjà mûr. Si c'est un fruit, ou bien si c'est les graines. À partir de ce moment, on peut donner la zakat. Ça va? Et on va le voir, Inch'Allah. Inna ma tajibu zakat fi zuru izashtad al-hub. Afwan al-habbu. J'ai des hub. Non, on ne parle pas d'amour, on parle de graines. Hein? Non, c'est hab. Hein? C'est pas hub. Ah, Moustan. Hein? Quoi? Puis, juste après la récolte, on donne. Mais ici, le début de la zakat dessus ne démarre pas après la récolte. Comme on va le voir. Ici, il achète del habbu. Lorsque la graine commence à, la graine mûrit déjà. Ça va? Même lorsqu'il devient dur. Vous voyez? Par exemple, ceux qui sont dans, ceux qui plantent les maïs, non, enfin, les mil. Quand le mil n'est pas encore arrivé, quand il y a pu, ça se casse. Ça va? Donc, mais quand il arrive, quand tu appuies, ça devient dur. Et ça, on appelle Izashtad Dalham. C'est devient dur. C'est compris? Aïkawiya, c'est-à-dire il devient fort à sort à Shadidan. La yandari tubirdart, c'est-à-dire même quand tu appuies, ça ne se casse pas. Naam solo. Voyagibu fistimari, et c'est obligatoire au sujet des fruits, il a bada salah, lorsque il commence à mûrir. Salah du fruit, c'est lorsqu'il commence à mûrir. Ça va? Par exemple, le tamre. Le tamre, c'est un fruit. Ça va? Mais c'est court. C'est court aussi. C'est parce que le tamre a été mentionné. On a répété ce Dieu Jésus. Mais ça a été mentionné. Mais c'est le court aussi. Parce que le professeur s'est mangé ça des mois. Lui et sa famille. Il mangeait du tamre et puis il buvait de l'eau. Hein? Non. Imam Saïd. C'est le même tamre, mais il y a plusieurs catégories. Ça va? Mais tamre, c'est tamre. Non. Si par exemple il enlève et puis il pèse, c'est arrivé. D'autres n'ont pas besoin que. Pourquoi on a mis à cette limite? Parce que d'autres n'ont pas besoin que ça arrive à ça avant de récolter pour vous. Ça va? Par exemple, le tamre, lorsqu'il est à l'étape de bosser, il y a d'autres qui vendent. Ça va? Lorsqu'il est à l'étape de rotop, il y a d'autres qui vendent. Et s'il est à l'étape de tamre, on connaît. Il y a trois étapes. Le bosser, c'est quand il n'est pas encore mûr. Il n'est pas encore mûr, mais il est dur. On mange. Parce qu'il est à la couleur sucrée. Et il y a d'autres qui aiment beaucoup ça. Maintenant, quand il mûrit, il n'est pas encore sec, c'est cela qu'on appelle un rotop. Ça va? Maintenant, lorsqu'il mûrit bien maintenant et puis commence à devenir sec, on l'appelle sur la tamre. Vous comprenez? Donc, il y a d'autres qui n'ont pas besoin d'attendre. Maintenant, pour savoir que tu atteins la zakat, tu connais mieux ta plantation, mon frère. Si tu veux, si c'est ta première fois, tu récoltes d'abord pour peser. Mais si ce n'est pas ta première fois, tu as fait 10 hectares. Quand tu as dit que ça n'a pas de zakat. Hein? Comment tu as fait 1 hectare? Chaque année, tu fais 1 hectare. Et puis, ça donne le même résultat. Et ça a donné, tous les fruits ont donné. Tu sais déjà que ça va atteindre la zakat ou pas? Tu sais déjà? Voyez? Maintenant, pour les halles, pour se rassurer, il faut récolter. C'est compris? Non. Ensuite. ويعرف ذلك بالانحرار البلح. Et on connaît cela lorsque le balh c'est le tamr, la date, quand il devient rouge. وجريان الحلاوة في العنب. Et lorsqu'il y a le goût dans l'inab, dans le raisin. Le raisin, s'il n'est pas mûr, si tu goûtes, peut-être que tu vas le cracher. C'est très amer. Ça va? Oui, le raisin. Quand il n'est pas mûr, c'est très amer. Mais quand il devient mûr, tu sens maintenant le goût. Quand tu mets dans ta bouche, tu commences à savourer le goût. Là, on sait que c'est arrivé. C'est compris? فَإِذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ. Alors, si tu es sûr, mais si tu es sûr de cela, in aqada sababu wujubi zakat. La cause de l'obligation des zakat maintenant est nouée, est arrivée. Fatajibu, ça devient obligatoire, wala yajibu alayhi an yukhrajaha fil hal. Mais ce n'est pas obligatoire pour lui d'enlever au même moment à la tilka al-hal, si c'est situation. C'est compris? Mais si tu veux le faire là, ishka. Ça dépend de toi. Ça va? قال المؤلف رحمه الله L'auteur du livre, Rahimahullah, il dit « Wayajibu, la zakat est obligatoire fil asali, dans le miel, al-ushru, et c'est le dixième qu'on doit donner. Warada fi zalika ahadith da'ifa. » Il y a des hadiths da'ifs qui sont venus, il y a des miels, tout le monde m'a regardé. Vous voulez boire miel. La tasbut, c'est pas authentique. Wala yubna alayha hukm shar'i. Alors, on ne va pas baser un jugement de la législation dessus. Wassohi annahu la shay'a fil asal. Ce qui est authentique, c'est qu'il n'y a rien à donner comme zakat sur le miel. Les adam oujou le dalil sahi. Parce qu'il n'y a pas de dalil sahi. Le miel, les gens le font comme les autres plantations. Tu vois? Ils font le miel. Ils font des plantations, ils ont des trucs qu'ils font. Que les abeilles viennent faire leur nid. Ça va? Et faire le. On appelle ça comment? Les ruches d'abeilles. Oui. Non, quand le mu'allif, rahimahullah, l'auteur du livre dit Wayajuzu ta'jilu zakat. Ça, c'est pour tous les zakats. C'est permis de précipiter la zakat. Ça va? Par exemple, tu sais que ma zakat, c'est le mois prochain. Ça permet de précipiter. Tu peux donner ce mois-là, mais ce n'est pas permis de retarder. Là, il y a Dieu. Mais c'est permis de précipiter. Ça va? Ça permet aussi d'ajouter des choses. Ok? Alors, ça, c'est le bien. Allez, ta zakat, Masalan, tu as compté ta zakat, ça fait 25 000. Et puis tu vois que le miskin que tu vas lui donner, la problème est 100 000. Tu peux ajouter 75 000. Et puis tu vas lui donner. Là, je gagne. Si tu veux, tu ajoutes 1000 francs, 2000, tu ajoutes aussi 5 000. Ça dépend de toi. Ça va? Mais tu ne dois pas descendre. Tu ne dois pas descendre, mais tu veux augmenter. Ok? C'est comme si quelqu'un te donne un prêt. Il ne t'a pas dit, si tu viens, rembourse-moi tel. Par exemple, tu prends 25 000, il ne t'a pas dit, si tu veux me rembourser, tu me rembourses 30 000. Il ne t'a rien dit. En venant rembourser, tu peux augmenter pour lui donner la ishkal. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'ala. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela. Ça va? Donc, c'est permis. Ça, ce n'est pas riba. Parce que tu ne l'as pas conditionné. Ça va? Elle a dit, les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui sont asanuhum qada'an. C'est ceux qui remboursent par le meilleur. Ça va? Ils donnent ce qui est meilleur. Lorsqu'ils prennent le prêt, par exemple, chez quelqu'un. Après, ils disent, non, akhi, je t'ajoute ça, et puis, barakallahu fik. Mais une autre ne l'oblige pas. S'il l'oblige, ça devient riba. Ça va? Non. Sorok. Le supplice dans la zakat devient une aumône personnelle. Ça va, ce qui est obligatoire, ça va, c'est la zakat. Donc, la majorité des savants autorisent ta'jil al-zakat. La précipitation, le fait de précipiter. Bimana antakhruja mal al-zakat qabla itmam al-khulul. Que tu enlèves l'argent de la zakat avant que le moment arrive. Ça va? Ainda wujud an-nisab, lorsque tu as le nisab. Wa yastadilluna ala jawaz zalika bi hadith Ali. Il argumente l'autorisation de cela sur le hadith de Ali. أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et Abbas il a posé la question au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم au sujet du fait de précipiter sa sadaqa قبل أن تحل avant que l'année ne passe فرخص له في ذلك رسول صلى الله عليه وسلم lui a permis cela أخرجه أحمد وأبو داود أحمد et أبو داود ont rapporté le hadith طيب Et c'est le hadith de Ali. ورجح أبو داود ودارقطني وغيرها المرسل. سدالي أبو داود دارقطني et autres que cela ont fait le tarjih de المرسل. وقال ابن المنذر لا يثبت. ما معنى حديث المرسل؟ حديث المرسل ça veut dire quoi? نعم. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Mais on dit ça vient de Ali. Pas de dire, il n'a pas vu le prophète. Ali ibn Abi Talib. Alors, ici, Mursal, Hakikat al-Mursal, c'est la hadith qui se limite à un tabi'i. Ça va? Maintenant, d'autres savants le mettent aussi sur la hadith qui se limite à un compagnon. Mais ce qui est connu comme hadith qui se limite à un compagnon, c'est le hadith qu'on appelle Mawqouf. Mawqouf à la Sahabi. Ça s'arrête à un compagnon. Ça va? Le hadith, c'est limité à un tabi'i. Pourquoi? Parce que le tabi'i qui rapporte de Ali, lorsqu'on regarde, celui qui rapporte de Ali même, n'a pas vu Ali. Voyez? Il a vu certains compagnons, mais pas Ali. Donc, il y a une kita. Il y a une rupture. Ça va? Ça se limite à lui. On va voir un doigt parce que c'est un tabi'i. Ça va? Mais il y a quelqu'un qui manque entre les deux. Peut-être il a pris de quelqu'un qui a pris de Ali. Ça va? On va pas rentrer dans le mustala. Mais c'est pour vous faire comprendre. Donc l'imam Ibn Munzir, il a dit la yasbut. Il dit le hadith n'est pas authentique. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس. Dans un autre hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a pris de Abbas صدقة عامين. La صدقة de deux années. هو ضعيف أيضا. Ce hadith aussi est ضعيف. طيب. Donc, فلا يثبت في ذلك الشيء. Rien n'est venu authentique à ce sujet. De تعجيل الزكاة. De précipiter la zakat. عن النبي. ولكن القياس الصحيح يدل على الجواز. Mais si on fait le qiyas correct, ça montre que c'est permis. Ça va? عملا من قاعدة. En mettant en pratique une règle qui est quoi? أن كل حق مال. Tout droit relié à l'argent وجب بسبب وشرط. Ça devient obligatoire avec la cause et la condition. وجاز تعجيله. Parce qu'il y a la cause. Il y a déjà l'édition. Ça va? Il y a la condition aussi. La condition, c'est quoi? C'est Haoulain et Haoul. Pourtant, tu n'es pas arrivé au Haoul, mais est-ce que la charia va t'interdire de précipiter? La charia t'interdit pas de précipiter. Ça va? Ou Qawlu aktharu ahli l'ilm. Qawlu aktharu ahli l'ilm. C'est la parole de la majorité des savants, Wallahu a'lam. يا الله الكريم. قال المؤلف رحمه الله. Alors le livre قال لي فاس ميزيكوردي. وعلى الإمام. Alors c'est une obligation sur l'imam أن يرد صدقات أغنياء de ramener la صدقة de tout riche كل محل chacun à leur place في فقرائهم. C'est-à-dire en donnant aux pauvres. Les hadiths de Mouaz. À cause des hadiths de Mouaz. C'est-à-dire, la zakat, on doit donner à qui? Au imam. À l'autorité. Ça va? C'est l'autorité même qui prend la zakat en force. Il envoie des gens pour venir même prendre la zakat. Ça va? Donc, lorsque ceux-là, ils viennent prendre la zakat. À cause des hadiths de Mouaz, قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله لمساجد الله صلى الله عليه وسلم ليأتي لسكي لأنبوي إلى أهل اليمن وجن اليمن إلي فعلمهم نفرم لي أن الله افترض عليهم صدقة كي الله لرى رنجي أبليغاتوا على زكاة في أموالهم دلر بي تأخذوا ست زكاة تبريدكي من أغنيائهم دلرش فتردوا على فقرائهم إرمني على الأرض Donc ici, ittafaq al-ulama, les savants sont unanimes à la jawaz al-naql al-zakat, qu'il est permis aussi de transporter, c'est-à-dire de déplacer la zakat, ila man yastahiqquha min baladin ila akhar, à celui qui mérite la zakat d'un pays à un autre. C'est permis de le faire. Il astaghna ahl baladi al-muzakki anha. Si les gens de son pays où il doit donner la zakat, eux n'ont pas besoin de la zakat, il peut ramener la zakat dans un autre pays. Hada shay'un. Par exemple, moi je vais envoyer la zakat au Mali. Je dois me rassurer que ceux qui sont ici là n'ont pas besoin. Avec ma dette. Hein? Ceux qui sont à Abidjan. Donc il y a une divergence sur cette masala. C'est compris? Falnakul masalan. Si nous disons par exemple, innana fi Amman, nous sommes Amman, le chef il parle de Amman, c'est une ville en Jordanie. Quand akhraja aghniya al-balad, les riches du pays, ils ont fait sortir les zakat amwali. Fasagna fuqara al-balad al-zakat. C'est-à-dire, les pauvres du pays, ils n'ont pas besoin de ces zakat wa fadha, et on les trouve pas. C'est-à-dire, khala, ils sont vides, on les trouve pas. Fa'inda izin tukhriju ila makanin akh. En ce moment, maintenant, tu donnes la zakat dans un autre endroit. وَجَوَازَ هَذَا مُجْمَعُنْ عَلِي. L'autorisation de cela, c'est un consensus. Ça va? Mais après que les gens du pays où tu es n'aient pas besoin de la zakat. Ça va? أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَغْنِي أَهْلِ بَلَدِ الْمُزَكِي. Mais si les gens du pays où celui qui donne la zakat il est, ont besoin de la zakat, est-ce que c'est permis de prendre la zakat pour aller donner à quelqu'un d'autre dans un autre pays? Il y a une divergence à ce sujet. Fahadith Mouaz al-Mutaqaddim, le hadith de Mouaz qui a précédé, yadullu ala anna zakat tusrafu fi ahli balad al-Muzakki. Ce hadith montre que on doit donner seulement la zakat aux gens du pays où la zakat a été enlevée. Pourquoi? Qui peut me donner les dalils de ça dans le hadith? Naam, Abdul Karim. Tu'khudhu min aghniyaihim. Ce que tu prends la zakat, min aghniyaihim. Ihim, una, domir. Aïe, bien. Ila ahli baladi. Alladi. أخذت فيه الزكاة لو تبري الزكاة وترد إلى فقرائهم دازنو تفسون على فقرائهم لون الحديث من لكن هو هل هو على الوجوب ما est-ce qu'on va dire c'est une obligation? Le hadith montre. Mais est-ce qu'on va dire que c'est une obligation forcée de donner aux gens qui sont dans le pays? Hein? Est-ce qu'on va le dire? Tayyib, ikhtalafa ahlul ilm fi dhalik. Les savants se sont divergés à ce sujet. Faqala ba'duhum yukrahu tandihan. Certains disent c'est détestable par précaution. Naqlu zakat min baladin la akhar. C'est-à-dire c'est préférable, c'est détestable par précaution. Parce que là on ne sait pas si c'est pas permis. À précaution, c'est détestable de déplacer la zakat d'un pays à un autre. Il a un yankoula, sauf s'il ramène la zakat il a karabatihi à ses proches al-muhawiji qui sont dans le besoin afin que cela puisse vraiment fermer les besoins ou il a kaumin ou bien il veut envoyer à des gens hum ahwadu ilayhi. C'est-à-dire, ils ont plus besoin de cette zakat min qawmi, quel le peuple où il est, ou il attend les ba'il mishara'i, ou bien il va envoyer un étudiant en science. Un étudiant en science, alors cela, comme on parle à Cheikh Suleiman Arouhaï, il est haoula, haoula ahyana mi zakat. Ils ont plus prompt qu'on leur donne la zakat, parce que c'est des gens qui, souvent ils ne travaillent pas, ils ont des difficultés, donc, souvent ceux-là, on doit leur donner la zakat. Donc voilà pourquoi il dit ici, ou il a talib ilmi shar'i, ou bien un étudiant en science, alors s'il déplace d'un pays à un autre, voilà, il croit. Ce n'est pas détestable. Pour aller donner un étudiant en science. Ou bien des gens qui sont dans un besoin plus grand que ceux qui sont auprès de lui. Car ceux à qui on doit donner la zakat, muhaddadun fi kitabillah. C'est bien précis dans le livre d'Allah, bil fuqara wal masakin, les pauvres et les indigents, wa man dhakara ma wa man dhukira ma'ahum, et ceux qui ont été mentionnés avec eux. Wal kullu min ahliha, et tout cela font partie des gens de la zakat. Fa yajuzu sarfuha li ha'ula wa ha'ula. Donc c'est permis de donner à ceux-là et ceux-là. Par exemple, les gens qui sont dans son pays sont dans les besoins. Les gens qui sont ailleurs sont dans les besoins. Mais les gens qui sont ailleurs sont plus proches de toi. Donc il y a silat ar-rahim. Si tu leur donnes la zakat, par exemple. Il y a silat ar-rahim. N'est-ce pas? Il y a le fait que tu resserres les liens de sang avec lui. N'est-ce pas? Ou bien, talib al-mishari, il y a le fait que tu l'aides à pouvoir véhiculer ou bien apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des bénéfices qui s'ajoutent à cette obligation que tu as décidé de donner. C'est compris? Et wa hadha al-qawlu asahhu al-aqwal 'indi. Le cheikh Ali Rami dit, cette parole est la parole la plus authentique auprès de moi. Wa qala al-ba'd, et certains ont dit, la yajuzu naqlu hatta yastaghni ahli baladi. Ils disent que c'est pas permis de l'envoyer à un autre pays jusqu'à ce que les gens du pays où il est n'aient pas besoin. Wa sawab al-awwal, mais c'est que correct, c'est ce qu'on a dit premièrement. Allahu a'lam. Wal-ibra, c'est qu'il est considéré bi makan al-mal, c'est l'endroit du bien, de l'argent. Faiza kana shakhs fi baladin wa mali fi baladin akhar, si la personne est dans un pays et sa fortune se trouve dans un autre pays, famal mu'tabar, qu'est-ce qu'on doit considérer fi baladi? Fal mu'tabar fi baladi, ça va, al balad allati fiha al mal, c'est là l'endroit ou bien le pays où l'argent se trouve, ou bien c'est l'endroit où la personne se trouve. Donc la réponse, annaha tusrafu fi baladi alladhi fihi al-mal. On donne la zakat dans l'endroit où il y a l'argent. Ça va? Lianna al-wajib, car ce qui est l'obligation ici, mu'allaqun bil-mal, c'est lié à l'argent. La bishakhs, c'est pas lié à la personne. Fa ayyuma wajada al-mal, fa aynama wujida al-mal, partout où l'argent se trouve, istahabba ikhraju. Donc c'est préférable de donner la zakat dans ce pays. Alors on va terminer avec la dernière masala et on va s'arrêter. Donc je vous demande de rester encore un peu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yabra'u rabbul mali bidaf'iha ila sultan. Alors yabra'u, il s'innocente, le propriétaire de l'argent, s'il donne à l'autorité, wa in kana ja'iran, même si l'autorité est tyran. Il s'innocente comment? C'est-à-dire, il n'a plus de problème. S'il le donne, il tarde le monde. Mais il ne va pas dire non, c'est un tyran, je ne lui donne pas ma zakat. Sinon, il va bouffer. Ou bien, il va faire ceci et cela. Écoutez très bien, c'est aslun min usuli ahli sunnah. C'est un fondement. Parmi les fondements des gens de la Sunna. Tayyib, écoutez bien cela. Il a parlé à Sultan. Si l'autorité demande zakat al-mal, la zakat sur l'argent, fadaf au sahib al-mal et l'aide wajab alay, zakat. Zakat aoum. L'iman. Alors, il doit donner celui qui a l'argent, ça devient obligatoire qu'il donne à l'imam, c'est-à-dire l'autorité. وكان الإمام جائرا من ذي الإمام تيران أي من الجور الذي والظلم من ذي الإنجست فهو آدم الإنجست سألمان بمش شاك شوز أسابلس وادو الأشياء موادئها فإن دفع للإمام الجائر سيدنا الإمام تيران بري أزمته ألو لديشارجي وصدقة الوجوب عنه إلى الوبليغاسيون طم سلوي وأدى ما عليه Il a donné ce qui, c'est-à-dire s'est acquitté de ce qui est sur lui. Voilà, il y a le Alors, il n'est pas obligatoire qu'il donne une deuxième fois. Il faut bien préciser cela. Car d'autres disent, si l'imam est tyran, et on sait qu'il n'est pas juste, il est injuste, si tu lui donnes la zakat, tu dois revenir donner encore. Parce que il ne va pas mettre la zakat où Allah a demandé de mettre. Man, demande de donner la zakat. Tu le donnes ou tu le donnes? Tu le donnes, on va voir le hadith ici. وَذَلِكَ لِقَوْلِ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ بِنْ مَسْعُودِ Cela à cause de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith de Ibn Mas'ud. Il dit quoi? إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِ Il dit, il aura après moi, le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit asaratan, asaratan c'est zulm, il y aura des injustices. Wa umurun tunkirunaha, et des choses que vous n'allez pas aimer. Qalu ya Rasulullah. Et les compagnons du messager d'Allah, fama ta'muruna, qu'est-ce que tu nous ordonnes en ce moment? Si on a des autorités qui sont injustes, qui sont tyrans, qu'est-ce que tu nous ordonnes? Qala tu'adduna al-haqqa. Vous donnez le droit à l'aide à l'écho. Le droit qui est sur vous. Et vous demandez à Allah à l'aide à l'écho. Le droit qui est votre droit. Le hadith est clair ou pas? Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Le hadith la yuhibbu l'ikhwan. Les ikhwan, les sururiyin. Ils n'aiment pas ce hadith. Wa nadhiru. Et les hadiths qui sont pareils à cela. Voilà Miyakul, le Cheikh Ali Rami dit, il n'a pas dit Khuzul ladhi lakum bis-silah. Il n'a pas dit prenez votre droit avec les armes. Est-ce qu'il a dit cela? Aw ukhruju ala al-hakim. Ou bien sortez contre l'autorité. Est-ce que le professeur Sam a dit ça? Aw idribu. Hein? Ou bien frappez. Voilà, ghayr zalika min masirat wa ghayra. Et autre que cela parmi les voies utilisées. Voilà qu'il qala. Mais il a dit, Esbiru, il a dit, patientez, hatta talqawni ala al-hawdi, jusqu'à ce que vous me rencontrez sur, yani, au bassin. Wa fi riwaya, dans une version, tas'aluna Allah alladhi lakum, vous demandez à Allah ce qui est pour votre droit, hadhihi al-hulul an-nabawiyya. Voici la solution que le professeur sallam a donnée. Ça va? وأخرج مسلم في الصحيح الإمام مسلم a rapporté dans son authentique من حديث واهل بن هجر في حديث واهل بن هجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأل il dit j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم pendant qu'un homme lui pose la question le wa ici c'est le wa ulhan فقال il a dit أرأيت إن كان علينا أمراء il dit au prophète صلى الله عليه وسلم vois-tu S'il y a des autorités sur nous, na'unana haqqana, et nous interdit nos droits, wa yas'aluna haqqahum, et nous demandent leurs droits. C'est-à-dire, ils nous interdisent nos droits. Mais ils nous demandent leurs droits. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qal, isma'u wa ati'u. Écoutez et obéissez. Ce sont les servants de l'autorité, ce sont les tantantants. Allez-y, apprendre la sunna. Fa'innama alayhim. Et le professeur Azam dit, sera contre eux, mahommilu, ceux qui se sont chargés comme péché. Wa alaykum, et vous, sera aussi sur vous, mahommiltu, ce que vous êtes chargés comme péché. Wadal amur, minan nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet ordre vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais sobri, de patienter, wa adami jawazil khuruj. Et de ne pas sortir à l'al-hakim sur l'autorité. Aïe naoui min anwa il khuruj. à n'importe quel type de sortie contre l'autorité. Même si c'est une seule parole. Même si c'est sur la khutbah. Même si c'est avec les armes. La yajuzu abadan. Wa injaru. Même s'ils sont injustes. Wa indolimu. Même s'ils sont injustes. Wa indorabu zaharakum. Même s'ils vous ont frappé. Wa akhazu amwalakum. Et ils ont pris vos biens. La yajuzu. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le compagnon lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit? Le compagnon a dit, ils nous demandent leurs droits, mais ils nous empêchent nos droits. Malakal, isma'u wa ati'u. Écoutez et obéissez. Mais tu vois des gens qui sortent contre l'autorité. L'autorité ne les a pas chicotés. S'ils les chicotaient, même c'était mieux. Frappez bien même, et puis les mettre en prison. Mais on ne les a même pas chicotés, ils dorment dans un palais, quelque part là-bas. Ils sortent même dans les jardins pour jouer au foot. Et ils s'asseyent même dans les jardins, dans les grands jardins, comme les gens qui jouent les... On appelle ça comment même là? Les golfs. Et ils disent aux gens, « Zorro, Zorro, Zorro !» Et quand ils commencent à faire la khutbah, ils pleurent. « Ya Allah, Ya Allah, Ya !» Notre peuple de Palestine, Aïna Anta Ya Rajul. Tu es où? Et puis tu dis ça. Nassallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous préserver. Alors ici, le cheikh, on est dans un cours de fiqh. Le cheikh qui nous parle d'une masala. Aqadiyya. Manhajiyya. Nassallallahu alayhi wa sallam. Sawa'un bil kalima. Que ce soit avec une parole. Ou bil idrab. Ou bi ghayriha. Par le fait de idrab, parler ou bien donner des exemples sur les défauts. Wa zahabil, wa sabab al-mafasid, allati satatarattabu ala dhalik. Et les causes et les méfaits qui vont en résulter seront nombreux. Mais ils savent que dima, tel que le sang qui sera versé. Wa intihak al-a'rad, les gens vont pénétrer les honneurs. Les biens vont s'évaporer. Regarde, par exemple, s'il y a une mafsada dans un pays. Les voleurs, ils sont à l'aise. Casser les magasins. Hein? Des millions, des milliards. Ils volent, ils vont garder. Quand la guerre finit, ils deviennent les plus riches du pays. Alors, nous préserve de la fitna. Voyez, tout le fouchaouka des musulmans. Et ça rend faible la force des musulmans. Jusqu'à ce qu'ils deviennent une bouchée dans la bouche des ennemis. Ils deviennent bouchés. Les ennemis, maintenant, ils ont la force. Mais celui qui est loin de la politique, ou bien les choses concernant la guerre et autres que cela, la yudriku abad al makhatir alladhi ya'ishu fiha. Alors il ne saura pas les dangers dans lesquels il vit. Fatajidukum yatala abu bihim. Shakhsun aw isnan min ashab al-ahwa. Tu trouveras maintenant des gens parmi les gens des passions vont s'amuser avec lui. Une personne, deux personnes vont commencer à lui dire non, toi. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Les salafis, ils ne rentrent pas dans ces choses-là. Comme on voit certains salafis sur les réseaux sociaux, ce qui se passe dans les différents pays. Lorsqu'il y a des élections, masalan, il y a ikhwa, les élections. Il peut arriver que les différents partis, ils vont chercher à se dénigrer. Ils vont chercher à dire des choses. Chacun veut gagner. Ma mawkifuka ya anta. Salafi. Toi le salafi, quel est ton mawkif? Tadou Allah. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour les autorités qui sont là. Et ensuite, il demande à Allah le amn, la sécurité. Mais là, tu te dakhals fi hadhihi al-umur. Ne rentre pas dans ces choses-là. C'est telle personne qui a raison, c'est telle. Là, là. Là, tu te dakhals fi hadhihi. Innama anta tad'u. Tu invoques pour l'autorité. Tu invoques pour l'apaisement, la sécurité. Parce que sans sécurité, tu ne pourras pas venir à la mosquée. Sans sécurité, tu ne pourras pas venir prendre darse. Donc, tu invoques Allah pour la sécurité, mais n'attise pas. Non, ceux-là, ils sont. C'est ça la vie. C'est ça la vie. La Bouddha n'a pas de manah et salaf. Il doit suivre le manah des salaf dans cela. N'as-salallahu alayhi wa sallam. Excusez-moi, on va finir. Inch'Allah. Donc, les gens, une personne, deux personnes parmi les gens, les patients, ils vont commencer à s'amuser avec toi, mais ashab al-masra al-khasa. Des gens qui ont des intérêts spécifiques. Wa haqiqat al-amr, mais en réalité, anna min wara'i hadha makid. Derrière cela, il y a une ruse. La yadrouna. Ils ne savent pas. La réalité. Il vient, non, l'autorité, tu as vu l'autorité, non. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Lui, il a un objectif, mais toi, tu n'as pas d'objectif. Il te pompe. Ensuite, il va pomper un deuxième. Il va pomper un troisième, un quatrième. Il finit maintenant de les pomper. Il a dit maintenant, ils vont aller concrétiser mon objectif. Il a dit, c'est les gens qui sont les favoris qui vont maintenant allumer pour pouvoir atteindre les objectifs. Akadahum sauriyun. Walakin subhanallah, al-amma, mais le chef dit, subhanallah, al-amma, le commun des musulmans, atba'u kullu na'iq wa za'iq. Ils suivent tous ceux qui parlent. Na'iq, en arabe, c'est le mutakallim, kullu na'iq, le yatakallam, le shakatil kalam, qui maîtrise la parole. Toutes ces personnes qui va se lever pour dire non. Levez-vous, on vous fait du tort, vous les musulmans, levez-vous. Le prophète Rasulallah dit, si vous avez suivi la dunya et vous n'avez pas fait le djihad, les mécréants vont prendre le dessus sur toi. Tu es prêt pour aller faire le djihad? Est-ce que lui qui parle, il est prêt? Il n'est pas prêt. Pourquoi il vous appelle au djihad? Ne le suivez pas. Surtout maintenant, si cette personne dit ce qui est en conformité avec leur passion, là en même temps, ils le suivent. L'homme doit être intelligent. Il doit comprendre ce qu'il fait. Il ne doit pas perdre sa propre personne et sa famille et les gens qui sont autour d'eux dans les moments d'effondrement. Hein? Il va te dire non, moi-même j'ai fait sortir ma famille. Comme Mohamed Hassan l'a dit, quand kharajtu ana wa akhrajtu ahli. Je suis sorti moi-même, j'ai fait sortir ma famille. Muslim. Cela montre que tout musulman s'ayuhasabu ala ma awjab Allahu alayhi. Il sera jugé si ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. Alayhi an yuaddi ma wajaba alayhi. Il doit s'acquitter de ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. Wala dakhla lahu bil hakim. Alors le hakim n'a rien à voir avec cela. Lui sera questionné amam Allah, devant Allah, ala masara'ahu, sur ce qu'il a dirigé. Voilà qu'il y a des zakat. Toi, tu donnes seulement les zakat du hakim, à l'autorité. In talab al hakim. Si l'autorité demande la zakat, tu donnes la zakat. Ça va? Mais si l'autorité n'a pas demandé, il donne la zakat par lui-même. Il a mani yastahikwa. Vers celui qui mérite la zakat. Vous avez compris? N'as-salallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve sur la bonne voie et nous guise enfin sur le droit chemin. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons voir Masarifu al-Zakat. Ceux à qui on doit donner la zakat. C'est très important. Voyez? Parce qu'à cette époque, il y a des gens qui se donnent eux-mêmes la zakat. Amelouna Aliya. Aliyoyeru Biyadi. Pour parler sur l'autorité. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, celui qui a dit Manra Aminkum Munkaran, Aliyoyeru Biyadi. Biyadi, il n'a pas de l'autorité. Celui qui a l'autorité. Il peut changer avec la main. Il t'attrape, il te frappe. Comme Omar ibn Khattab a frappé. Tu comprends? Ensuite, Fa'ilam Yastati Babilisani, tu peux l'échanger avec ta langue. Celui qui a dit d'échanger avec ta langue, de parler, c'est celui qui t'a dit de ne pas parler contre l'autorité. De ne pas sortir contre lui. Donc, le hadith, là, on ne prend pas d'un seul angle. Pour comprendre un hadith, il faut comprendre beaucoup de textes, mais ensemble, ne prends pas un hadith pour défendre ta passion. Al-Yuroyiru biyadi. Aubilisani. Non, tu changes quoi? C'est que l'autorité a fait. Tu appelles les gens de sortir contre lui. Hein? Il ne peut pas. Donc tu changes avec ton kirou. Le prophète n'a pas nié le fait qu'on doit détester ce que l'autorité fait. On déteste dans nos cœurs. Si c'est le mal, est-ce qu'on va aimer? Hein? Lakin l'a dit, wala yanza anna yadan min ta'a. Il ne retirez pas la main de l'obéissance. Même si vous n'aimez pas. Et est-ce qu'il a dit, si vous n'aimez pas, vous devez parler? C'est un munkar ou c'est pas un munkar? Sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça c'est une solution. Si tu veux parler, tu te lèves, tu prends audience, tu arrives chez l'autorité, tu lui dis, regarde, ce que tu fais là, c'est pas bien, il faut arrêter. Bon, si tu sors là-bas, alhamdulillah. Non, échauffement que tu fais, c'est mimbar. Ah, c'est échauffement. Que tu fais, c'est mimbar. Pas le visage devant l'autorité. Il crie sur lui. Tu vas voir ce qui va se passer. L'autorité, même quand on lui parle avec la manière. Comment toi, tu peux aller t'arrêter devant des gens? Je vais vous donner un exemple. Tu as autorité chez toi à la maison. Il y a un de tes enfants qui se lève, il appelle les autres enfants. Il dit, papa, ce que papa fait là, c'est pas bien. On n'est pas d'accord. Ah. C'est celui-là qu'on va attraper pour le punir. Ou bien, qu'Allah nous aide. Donc, il est déjà l'heure, les frères. On va s'arrêter ici. Pour les questions, on va garder pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.